Chapitre 13e. Le major Gardenne avait vu tomber Fernand Rocher. Comme il n'était point dans le secret de Sir Arthur Collins, ou plutôt du baronnet Sir Williams, comme Rocambole ne lui avait fait aucune confidence, il s'imagina que son filleul était mort ou grièvement blessé. Il voulut donc s'approcher et se pencher sur Fernand. Mais Rocambole fit un pas vers lui. « Mon cher major, faites-moi donc une grâce. » Le major le regarda. « Enveloppez-vous dans votre manteau, poursuivit Rocambole, et retournez au bal, ou bien entrez chez vous. Vos services nous sont inutiles. » Le major s'inclina. Il savait, du moins il avait deviné, que Fernand était condamné par l'association des valets de cœur, et il s'était attendu à ce dénouement. Il boutonna son pardessus, alluma tranquillement son cigare aux lanternes du phaéton et s'en alla. Rocambole et Sir Arthur Collins demeurèrent penchés sur Fernand. Fernand était évanoui. Le sang coulait avec abondance de la blessure, qui était peu profonde, mais assez large, comme toutes celles qui proviennent d'une épée triangulaire. « Ah ça !» dit Sir Arthur. « Es-tu sûr de ne pas l'avoir tué ?»« Certainement. » Le baronnet alla prendre une lanterne et s'en servit pour examiner attentivement la plaie. « As-tu la petite boîte que je t'ai envoyée ce matin ?»« Oui, elle est dans le coffre du phaéton. » Rocambole courut au phaéton et revint avec une petite caisse dans laquelle se trouvait du linge, de la charpie et une trousse. Alors, Sir Arthur Collins, avec un flegme merveilleux et l'habileté d'un praticien, pansa la blessure et y posa un premier appareil. « Maintenant, dit-il, il faut transporter notre homme avec précaution pour éviter tout épanchement interne. Il pourrait mourir en route. » Sir Arthur et son compagnon prirent le blessé à bras-le-corps, l'enlevèrent doucement de terre et le portèrent dans la voiture, l'étendant sur la banquette de derrière, après lui avoir entassé deux coussins sous la tête, afin d'exhausser un peu sa poitrine. De la plaine Monceau, où avait lieu le combat, au lieu où Rocambole et son chef allaient transporter le blessé, la distance n'était pas très considérable. Cependant, il était nécessaire d'éviter toute secousse et tout chaos si on voulait prévenir un accident. Sir Arthur monta dans la voiture, soutenant la tête de Fernand toujours évanoui, et dit à Rocambole « Convertis-toi en valet de pied et conduis ton cheval à la main et au pas. » Il ajouta en riant « Il est nuit, les rues sont désertes et personne ne te verra. Le vicomte de Cambole n'aura point à rougir. » Un quart d'heure après, le convoi nocturne s'arrêtait rue Moncey, devant la grille d'un petit hôtel qui nous est bien connu. Cet hôtel, construit par le baron de Haut, vendu par Baccarat, acheté au moyen d'un prête-nom par Sir Williams, était, depuis le matin, habité par Jenny la Turquoise. Rocambole sonna, la grille s'ouvrit sans bruit, et des pas crièrent sur le sable du jardin. Jenny, en robe de chambre, la tête enveloppée d'un foulard, arrivait un flambeau à la main. Un homme, le nez surchargé de lunettes bleues, la tête chauve et le ventre proéminent, la suivait. Cet homme, vêtu d'un habit noir, cravaté de blanc, avait la docte apparence d'un avocat et d'un médecin. Mais en réalité, Baccarat eut peut-être reconnu en lui ce faux docteur qu'elle avait trouvé à son chevet 4 années auparavant, après l'arrestation de Fernand Rocher, et qui la conduisit dans une maison de fous. « Ma petite, » dit Sir Arthur, qui retrouva sur le champ son accent britannique, « nous t'amenons le pigeon. »« Ah !» répondit Turquoise, dont l'œil étincela d'une joie cruelle. « Tout est-il prêt chez toi ?»« Tout. » Sir Arthur fit signe au faux cocher qui se hissa sur le marchepied du phaéton et l'aida à prendre le blessé. Fernand fut porté dans l'hôtel et placé sur un lit au rez-de-chaussée dans la chambre occupée jadis par Baccarat. Là, Sir Arthur redevint chirurgien. Aidé de Rocambole et de la Turquoise, il déshabilla le blessé et dit, après avoir lavé et ausculté la blessure, « Il en a pour 8 ou 10 jours. » Et se tournant vers Rocambole, « Sais-tu que tu eusses pénétré d'un pouce de plus, tu le tuais ?»« Ah, quel malheur !» murmura naïvement la Turquoise, « moi qui veux le croquer. »« Tu le croqueras, ma chérie, » dit Sir Arthur en caressant de la main le manteau velouté comme une pêche de la jolie pervertie. Turquoise montra ses dents blanches et pointues comme celles d'un rat en un mutin sourire. « Sais-tu ton rôle, au moins ?»« À merveille, papa. » « Et toi ?» dit Sir Arthur, se tournant vers le faux docteur. « Moi, » répondit celui-ci, « j'ai fait des études consciencieuses depuis un mois et je suis presque chirurgien. Je soignerai votre blessé comme Esculape lui-même. » Fernand était toujours évanoui. Turquoise et le faux docteur s'installèrent à son chevet. « Allons-nous-en, » dit Sir Arthur à Rocambole. « Nous n'avons plus rien à faire ici. » Et il ajouta, se penchant à l'oreille de Turquoise. « Tu m'enverras 2 bulletins par jour, n'est-ce pas ?»« Sans doute. » Le baronnet prit Rocambole par le bras, l'entraîna hors de la chambre à coucher, et ils gagnèrent le jardin dans lequel ils avaient laissé le phaéton, le cheval attelé à un arbre. Turquoise, installée du matin seulement, n'avait point encore composé sa maison et n'avait qu'une femme de chambre qu'elle avait envoyée se coucher par ordre de Sir Arthur. « Mon cher ami, dit alors le baronnet en prenant les rênes des mains de Rocambole et s'offrant le plaisir de conduire, veux-tu que nous retournions au bal ?»« Mais très volontiers, dit Rocambole. Le baronnet tira sa montre. « Il est 4 heures. »« Bon, on dansera jusqu'à 8. »« Et l'on soupera au petit jour. » Sir Williams, sous les traits de Sir Arthur, rentra donc à l'hôtel Van Hope, où la fête était encore dans toute sa splendeur. Mais personne n'avait remarqué son absence. Le major n'était pas revenu. Il était allé souper à la maison d'or et était rentré paisiblement chez lui. Sir Arthur se glissa de groupe en groupe jusqu'à une embrasure de croisée où il s'établit avec Rocambole. De ce lieu un peu écarté, les deux complices purent tout voir sans attirer l'attention. Ils remarquèrent d'abord le jeune comte de Château-Mailly dansant avec Hermine, puis le vieux duc, son oncle, caractant auprès de Madame Malassis. Enfin, Chérubin le charmeur, le beau Chérubin, qui était parvenu à obtenir une valse de Madame Van Hope, et la faisait tournoyer, haletante et tout émue. « Tiens, » dit Sir Arthur en se penchant à l'oreille de Rocambole et lui indiquant d'un regard la belle créole, « la vois-tu ?»« Oui, elle commence à être charmée. » Elle me rappelle en ce moment les enfants du roi Charles Ier qui sourit à la hache sous le tranchant de laquelle devait tomber 1 heure après la tête de leur père. « Ah, oui, la marquise valsant avec Chérubin joue avec la hache. »« Jolie comparaison, mon oncle. Seulement, cette hache est un poignard. »« Très bien. Et ce poignard est pour elle. »« Ce sera Chérubin qui sera le poignard. » Le baronnet haussa les épaules. « Non. » Mais c'est lui qui placera l'arme meurtrière dans la main du marquis, cet honnête homme qui aime sa femme. Et le baronnet eut un sourire à faire frémir Satan lui-même.